007 Aket NDRL FISL. On traquette sur le beat. Y'a pas de galère. On arrive, on te pique. Tu biffes là pour toi. J'arrive comme Aket en planche sur le tech. J'me la pète, j'débarque en tank sur le terre-terre. C'est la Hesse, y'a plus d'euros dans la tête. Ça braque des bureaux de poste à la calage, Budapest. J'suis la peste, un français j'me rends malade. Un pécho, ma salade, à la gare mon Parnasse. MDAL, Ray, j'ai la haine. Le rapide, j'le malmène, tu vois la piste. Dembaoui, Sarko, veux nous foutre en mandat dépôt. J'ai l'argot, le rencard, une balle dans le pégo. C'est le style, t'as la bélègue. Aux putes qui font les princesses, ça rassure mes selles, c'est des salades. En dernière minute, j'ai fait rouler un joint. Y'a pas de sèche, pose un 16 que j'ai dit car sur un point. Aujourd'hui, je suis en forme, j'le but j'arrive en force. Dealer, Aket, j'ai le seum, j'récidive encore. Tu veux rapper, tu veux palper, mais j'ai la zinc. On a la date, t'as pas capté que c'était la jungle. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. À la bélègue, on s'en balèque, aucun putain de gros. Aujourd'hui, je suis en forme, sur le but j'arrive en force. Dealer, Aket, j'ai le seum, j'récidive encore. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. À la bélègue, on s'en balèque, aucun putain de gros. Mêle pas boys and zoud à la boum, à la Bellec. Ça va faire clic badaboum. Rap de marabout, rigoler, j'suis pas la bourre. Tu vas te faire coucher par la douille ou te faire doubler par la poudre, hein. Sur le poignet, bracelet, or blanc, or jaune, or rose. À la Bellec, j'vais baiser leur plan, leur col, leur oseille. J'suis trop noir pour les blancs, pour ça que j'me crois au state. J'suis tellement fou qu'il faut qu'on passe au scanner. Entre deux prix, j'fais toujours ma pose canette. Une grosse casse-tête pour tous les frères en calèche. Sur le projet d'Aket, on laisse pas le son en galère. À la Bellec, Mina mixtape en 2007. On va sortir le champagne rangé le demi sec. À la Bellec, Mina mixtape en 2007. Dealer Aket. Tu veux rapper, tu veux palper, mais j'ai la zinc. On a la date, t'as pas capté que c'était la jungle. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. À la Bellec, on s'en balèque, aucun putain de gros. Aujourd'hui, j'suis en forme, sur le beat j'arrive en force. Dealer Aket, j'ai le seum, j'récidive encore. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. À la Bellec, on s'en balèque, aucun putain de gros. J'arrive au stud avec 2-3 œufs sur un morceau de papier. Fais tourner le son, je m'assois, j'ai pas fini de gratter. C'est l'habitude de faire les trucs à la dernière minute. J'passe la première au pied du mur, on trouve les faces qui tuent. Le son qui casse des culs, catin tu crâne, plume, mal rasé un peu barbu. J'suis le cauchemar des lardus. J'ramène une équipe inédite, c'est mon street. J'kick sur tous les titres, bim, j'refais piner le beat. Inquiète ton mic, featuring Gendal et Ficelle. On a la même dalle, fissurer le track, le sponsor officiel. C'est la Jura, mais c'est pas la même que la tienne, frangin. J'suis trop déter, hein, faut qu'il fait taire. Plein de langues de timbre, cousin. Genre de ma planque, détiens. Le son qui manque fait bégayer ceux qui manquent, putain. Y'en a qu'on honte de rien. Mon ref m'a dit, faut faire la diff, on t'offre un beat. Vas-y, la mif, démontre le bien. Tu veux rapper, tu veux palper, mais j'ai la zinc. On a la dalle, t'as pas capté que c'était la jungle. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. À la Bellec, on s'en balèque, aucun putain de remords. Aujourd'hui, j'suis en forme, sur le beat j'arrive en force. Dealer Aket, j'ai le seum, j'récidive encore. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. À la Bellec, on s'en balèque, aucun putain de remords. J'crache mon venin, les mecs sont morts à la fin du sommet. Diesel, Enda, Aket au mic, 007. Cracheur de venin. Si, 95, 95 Barino.